les contribuables de Québec en ont plus pour leur argent que la sous-traitance que si on avait respecté la convention collective, OK? Ouais. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que pourquoi on a ça? Pourquoi, à qui ça profite d'avoir des planchers d'emploi? C'est contrairement à ce qu'on pense. On pense des fois que ça profite aux travailleurs. Mais là, on le voit clairement dans le cas de Québec. Ça ne profite pas aux travailleurs, ça profite aux syndicats. Oui. Quand il dit bravo Michel Arsenault, c'est parce que c'est le seul gagnant de cette affaire-là. Et là, la bombe se bat en campagne électorale pour dire au gouvernement du Québec, interdisez ça dans les conventions collectives, ou ben non, il veut l'abolir, mais pas un mandat fort pour se tenir debout contre ce monde-là. C'est pour ça qu'il soulève ça aujourd'hui en campagne électorale. Je veux te faire entendre justement Michel Arsenault qui a réagi. Merci à Radio-Canada Québec pour l'extrait, Éric, parce que et les syndicats, on le comprend dans le ton et dans le choix de mots, là, on comprend que les syndicats, ils sont pas habitués d'être confrontés au Québec. On va l'écouter. Il s'assoit donc son syndicat et partout ailleurs, on réussit à s'entendre. Est-ce que M. Labeaume est le seul calepin dans toute l'armée? Moi, je pense que M. Labeaume a un problème. Problème de perception, problème de vouloir s'entendre. Tu penses pas comme les syndicats, t'as un problème. Ouais. T'as un problème. C'est ça. Puis, faudrait peut-être que M. Arsenault comprenne que s'il n'y a pas beaucoup de maires au Québec qui se tiennent debout contre la FTQ, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas envie de se faire intimider. Ils n'ont pas envie que la FTQ ils foutent le bordel dans les élections puis essayent de les battre puis essayent d'utiliser des tactiques de toutes sortes. Quand on voit ce qui se passe à la FTQ, là, écoutez le témoignage de Ken Pereira à la Commission Charbonneau. Là, ben là, j'aimerais ça, là, j'ai hâte qu'ils reprennent. Ouais, c'est ça. On a hâte de savoir aussi pourquoi il y a déboulé les escaliers, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais quand vous voyez ça, là, ben c'est peut-être parce que Régis Labeaume, il est assez populaire que de toute façon, il s'en fout. Puis son élection, il a pas peur de la FTQ pour le battre dans une campagne électorale. Puis il est capable de dire tout haut ce que bien d'autres maires pensent tout bas, mais n'ont pas le courage de dire présentement. Fait que M. Arsenault, il devrait se garder une petite gêne, là. Et avant de partir puis de commencer à faire de la politique encore une fois, d'abord, il devrait nettoyer sa propre cour. Je pense qu'il est main pleine présentement, là. Juste à s'occuper de la corruption puis la collusion à l'intérieur même de son syndicat, je pense qu'il y en aurait assez. Il aurait même pas besoin de commenter ce que Régis Labeaume dit en campagne électorale. Mais il va falloir qu'à un moment donné, ça se règle, ce problème-là. Il va falloir, je sais pas si c'est Régis Labeaume qui va réussir à casser cette espèce de cartel syndical-là, mais il va falloir que quelqu'un s'y intéresse et que le gouvernement du Québec cesse cette pratique-là qui est totalement... c'est un vol des contribuables pour donner de l'argent aux syndicats purement et simplement. Moi, je trouve ça drôle parce que j'entends un chef syndical. Là, c'est Michel Arsenault. Puis nous autres ici, on a Jean Gagnon. Puis on a le chef d'école bleue. Ouais. Puis j'entends Régis Labeaume après. Puis j'ai l'impression que c'est un peu le même ton, un peu la même tête de cochon. On dirait que les chefs syndicaux veulent pas qu'on se comporte en chefs syndicaux avec eux autres. Puis Labeaume, c'est exactement ce qu'il fait. Il y a un comportement de chef syndical. Il bourrasse, il bougonne, il brasse, il traite un peu de nom. Il aime pas ça, hein, subir le traitement qu'ils imposent à bien du monde dans la population du Québec. C'est ça, l'intimidation, c'est bon pour eux autres, les gros bras de la FTQ, mais quand eux autres se font brasser, je te dis que là, c'est pas un cadeau. Et c'est toujours le deux poids, deux mesures, puis c'est vrai que t'as raison, Denis, ça met ça beaucoup en relief présentement. Puis l'autre affaire que Régis Labeaume a soulevée, qui est importante de rappeler aux auditeurs, il a souligné aussi qu'il y a juste les cols bleus à la Ville de Québec qui ont ça. Fait que comment ça se fait qu'il y a juste les cols bleus? Comment ça se fait que les autres employés, ils ont pas de plancher? Ouais, si c'est eux autres. Si c'est si important que ça, comment ça se fait que c'est les seuls qui ont réussi à négocier ça? C'est bizarre, ça aussi. Puis c'est inéquitable pour les autres employés de la ville. Pourquoi que eux autres auraient des garanties puis les autres en auraient pas? C'est encore une fois, ça aussi, c'est une règle là, qui est bizarre. Donc, il y a bien des questions à se poser. Je pense que Régis Labeaume fait bien de le souligner. Je suis pas un fan, tu l'as dit, Denis, au début, puis Jérôme, mais je suis pas un fan de Régis Labeaume. Sauf que sur cet enjeu-là, puis je vais vous avouer que dans la campagne, il me surprend agréablement. Je trouve que on challenge le gouvernement, on challenge les syndicats. C'est beaucoup de gros adversaires en même temps. Je mettre les écolobus à domp, à scrap. Ouais, mais ça, moi, c'est le gros bon sens. Je veux dire, il n'y a pas rien qui a dit qu'il est fourré. Ah non, mais il n'y a rien inventé non plus. C'est le gros bon sens, t'as raison. C'est le gros bon sens, purement et simplement. Puis c'est la seule affaire qui me désole, c'est que ça prend une campagne électorale pour qu'ils s'en rendent compte. Tu sais, j'aurais aimé ça qu'ils fassent ça pendant 4 ans. Ouais. Mais bon, ça, peut-être, là, je rêve en couleur pour vrai, là.